Nicolas, vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 et puis DAB+, le canal 7C du DAB, là, enfin tout le bordel quoi. Ouais. Et puis campusline.com, hein, pour ceux qui sont loin, ou bien ceux qui ne veulent pas se faire chier à sortir une radio parce qu'ils n'en ont plus, donc ils ont un ordinateur, et ben ça va mieux. C'est Pyongyang, c'était Rockers numéro 341. J'ai l'impression que ça passe pas beaucoup là dans mon... Bah... Ouais, je sais pas. Ah si, ouais. Moi ça sort fort. C'est celui-là en fait, oui voilà. Ah mais oui. Oui, c'est le 3 celui-là. Non c'est pas grave, j'en ai pris un autre. J'avais allumé le 2 avant, c'est pour oui, ça. Oui, donc c'est Pyongyang City Rockers numéro 341 jusqu'à 21h. Vous allez entendre des choses et d'autres. Hein, ouais. Et puis peut-être on fera de la publicité pour les élections parce que c'est quand même, c'est important. Ouais. Là on a le choix, on a 38 listes parmi lesquelles voter, c'est quand même vachement bien. Hein. Et quand il y a du choix, ça veut dire que c'est la démocratie. C'est même un peu consommateur. Bon, bref. Eh bien, pour l'instant, vu qu'il passe demain, c'est à l'aéronef, je crois. C'est ça. Voilà, O6 avec je sais plus quel titre, parce que j'ai pas encore sorti. Intercepted Message. Intercepted Message, merci, madame. C'est elle qui fait la technique ce soir, c'est Célio. T'as vu ? Et puis, il y a Jamo aussi. Ouais. On est qu'à 3. Non ? O6. Fade out de malade. Oh, tu peux le laisser, hein, tu sais, en fond sonore, ouais. C'est pas mal. C'est pas grave. Donc, O6, il y a Schmeck là, qui arrête pas de changer le nom de son groupe, mais c'est quasiment toujours la même chose. O-H plus loin, S-E-E-S. Là, c'est O-S-E-E-S. Des fois, c'est O-C-S. Bon, faut savoir. Okay. Voilà. Et ils joueront avec je sais plus qui. Avec la jungle. Oui, là, mais oui, bien sûr. Là, oh, d'ailleurs, j'ai un article de la jungle. Tu passes quelque chose ou moi? Ou il y a Jamo? Non, si t'en as qu'un. Moi, j'ai des trucs. Ouais, moi, je Allez, je t'en prie. Tu veux pas passer à l'admi? Je sais pas. Moi, je vais passer à 6. Ah, vas-y. On y est. Vas-y, Jamo. Je vais passer Ultra Radia. Le morceau Radia, c'est sorti en... Je crois que c'est en 2018. Alors là, c'est sur Prima ouais, c'est Crew, ouais. Avec des membres de Prowlers, de The Prowlers, ouais. Faut que j'appuie sur quoi? Faut que j'appuie sur quoi? C'est une reprise d'Indochine, Radia. Ouais, mais non, là. Je sais plus c'est lequel. C'est PCMX. Ah, ok. Donc on va l'écouter sur Radio Campus Lille. Bravo. 'est vrai que c'est une reprise de Indochine. Bon, bah d'accord. Ouais. Putain, je suis vraiment inculte, hein, moi. Moi, j'avoue que j'ai pas reconnu le morceau. Après, je connais pas tous les morceaux d'Indochine. Bah, voilà. Je vous préviens, moi, ce soir, je vais passer quasiment que des annonces de concerts qui ont lieu là ce week-end. Très bien. Enfin, demain et ce week-end, quoi. Donc, parce que je peux pas eu envie de me faire chier. Puis bon. Comme Gaël est pas là, et puis que du coup, on aura pas de Hoy. Ouais. Si, moi je passe quand même un truc de street punk, pas tout à fait le. Et puis, en fait j'avais la flemme, et ben voilà. j'ai regardé la liste des concerts et puis j'ai extrait ce qui allait être bien. Allez hop, youpi. Et toi? Moi je vais passer un morceau qui me reste de la semaine, des semaines d'avant. Ouais, toujours les restes. C'est ça, et puis sinon des concerts que j'ai vus, ou des nouveautés quand même un peu. Allez, je vais commencer par les restes de la semaine d'avant, comme ça, c'est fait. Il y en a marre, ça sent le réchauffé. C'est ça, après j'oublie le morceau. Avec des oignons pilules, c'est bon. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Slutayu. C'est un groupe de punk de Maristat en Suède. Slutayu, ça veut dire arrête de mentir. Leur texte parle d'injustice et de réalité écœurante que beaucoup de femmes doivent endurer tous les jours. C'est une première démo cassette, dont je ne dirai pas le nom parce que je n'arriverai pas à le prononcer, qui est sortie chez North Merchants Records, un label anglais, au mois d'avril. Et le titre s'appelle Panic Syndrome. Il est 20h13 à l'antenne de campus, déjà presque un quart d'heure de passé à l'écoute de Pyongyang Styrokers. Il nous reste plus que 3 quarts d'heure pour passer de la musique de sauvage. Je commence avec des drôles de loustiques, ils jouent trop vite pour ne pas être honnête. Hein, par contre, abstenez-vous de regarder la vidéo YouTube de ce titre qui s'appelle XXXX. En majuscule. C'est vraiment le titre. Abstenez-vous si la vision de la charcutaille et puis de la viande vous dérange. Même d'ailleurs à la fin, les gens ils mangent aussi des insectes et des scorpions. Enfin, genre, je pense. Voilà. C'est Météor, c'est un groupe de Brescia en Italie, qui existe depuis déjà un paquet d'années. Ils ont aussi sorti un paquet d'albums et un paquet de morceaux. Et donc, ouais, comme celui que je vais passer ici, XXXX, ils sont vraiment pas chier les mecs, et trop court, j'en rajoute un autre de Météor pour allonger jusque 2 minutes 30, deux titres 2 minutes 30, bien, ça sera Elon Kariaya, ça veut dire, merde, je sais plus, restaurateur, je crois, faucheur, le faucheur. Voilà, c'est toujours des trucs inspirés du métal, mais bon, ouais, de toute façon la dame elle va bien le dire avec un accent, hein. Donc voilà, Météor avec ce et après Elon Kariaya. Korea. you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time. I found out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. Cette fois, on est revenu à temps. On a eu le temps de boire. Hein. C'était quoi tout ça? Alors, tout ça, c'était le groupe Cat Bite. Morsure de chat. C'est ça. Cat Bite, c'est un groupe de ska américain, influencé notamment par les Specials et les Selectors. Le premier morceau, c'était Everybody Talks, qui vient du split Wavebreaker, qui est sorti en 2022 chez Bad Time Records. Le clip de ce morceau, il est assez marrant. On voit un père qui se fait surprendre par sa fille en train d'écouter Cat Bite et elle lui dit mais papa mais t'écoutes du ska, je comprends pas, je croyais que tu détestais ça. Il lui répond oh, je pense que c'est le moment qu'on ait une discussion que j'ai mis de côté pendant longtemps. Et puis du coup, il lui sort tous ses vieux disques, tous ses cassettes de ska et tout, et il s'éclate dans le clip, et c'est marrant. Trop bien. C'est beau, hein, quand même. C'est la, ça. La fraternité entre générations. Oh, dis. Bah ouais. Alors, oui, mais il y a de la trompette dedans ? Oui, il y a de la trompette dedans. Donc je sais qui t'a donné l'idée de passer 4 bikes. C'est ça. Mais tu me l'as dit avant, c'est pour ça. Bah oui. Coucou Pierre à feu. Et puis du coup, le morceau qui est passé juste après, c'est aussi 4 bikes. Et en fait, mais c'était pas pareil. Non, pas du tout. Donc en fait, ils ont sorti un album en version ska, mais ils l'ont sorti aussi en version lente. Et ils ont fait une troisième version en version plus punk. Et donc, du coup, ils l'ont appelé 4 Fight, la version plus punk. Et 4 Light, la version lente. Et la version lente, c'est quoi ? C'est une version pour passer dans les ascenseurs et les supermarchés Franchement, ouais, j'ai écouté vraiment très vite fait. C'était moins ma cam. C'est vraiment. C'est même pas. C'est très mélo, quoi. Enfin, c'est genre acoustique. Bravo. Et bon, c'est tout. Ils ont une version punk qui est plutôt cool. Bah moi, je vais passer un truc qui n'est pas acoustique. Enfin, quoique, quand même, il y a de la mélodie. Ça vient d'Atlanta. Ça s'appelle Upchuck, U-P-C-H-U-C-K. Ça, je te le dis, comme ça, tu peux le caler. Et puis, ça passe demain au Watermoulin avec les Français de Weird Omen. Donc, ça, côté entre psyché et punk, on va dire. Quoique, Upchuck, quand même, c'est bien s'nerve. C'est apparemment le groupe actuellement qui fait une tournée triomphale dans toute l'Europe, n'est-ce pas? Et puis, bah, voilà un extrait donc de leur deuxième album qui est sorti en octobre dernier. Il s'agit de Freaky par Upchuck, demain à Watermoulin. Tout à fait Watermoulin, oui, mais bon, ben voilà. Oui. Ça sera combien ? 10 euros l'entrée, sauf si vous le prenez en pré-vente, ou c'est 6, je crois. Un truc comme ça, enfin bref. C'est pas rush, hein. Faut juste aller jusqu'à tourner, quoi. C'est loin. Attendez, c'est beau, mais c'est loin. C'est pas si loin que ça. bah quoi ? Ah, alors ? En avant ! En avant, allez, moi je vais vous mettre un groupe que je voulais passer la semaine dernière, mais du coup j'ai pas pu venir. Que je suis allée voir mardi dernier, c'est The Interrupters. Ouais. On allait voir. Ouais, c'était cool. C'était au Splendid ? C'est au Splendid. Ouais. C'était bien ? Ouais. Ouais, c'était bien rempli. Non, franchement, c'était cool. Après, c'était un peu. Comment dire ? C'est un peu ricain, un peu carré, tu vois. Il n'y a, y a pas une mèche de cheveux qui déborde, pas un petit. Mais c'était quand même cool. C'est pas des punks de kermesse comme les Français ou les Belges. Hein. C'est des vrais professionnels. Hein, ils savent ce qu'ils font. Non, mais en plus, il y avait quelques copains dans le public, mais majoritairement des gens qu'on voit jamais au concert. Quoi, et on se dit, ouais. En fait, tu les vois pas au concert où toi tu vas. Mais oui, ils vont à d'autres concerts. Genre, pour eux, le Splendid, c'est une petite salle. Alors que pour nous, c'est une grosse salle. c'est ça la différence. Donc du coup, je vais passer une reprise, parce que j'avais envie, qu'ils font en live, c'est une reprise d'un morceau de Billie Eilish qui s'appelle Bad Guy. Uh-huh. Et voilà. C'est Interrupteur, c'est Bad Guy. Are you a bad guy? Je sais pas, hop, touche, je sais pas, hop, hein, Juice. Bah ouais. Ouais, on voit que c'est carré, c'est les Américains. Eh bien, je continue dans les groupes chanteuses avec The Covids, des mignons Amstelodamois avec une chanteuse. Et puis sinon, bah, derrière, c'est trois musicos. C'est du punk très, très, très. Ouais, 77, on va dire. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, enfin, c'est du punk rock, quoi. Ils passent demain avec Public Toys en première partie. D'ailleurs, je me pose toujours la question, mais quand est-ce qu'on va avoir des titres de Public Toys à passer à la radio ? C'est clair. Parce que là, pour l'instant, ils sont bien gentils, hein, ces gens. Ils ont déjà fait quand même un paquet de concerts. Enfin, un petit paquet, mais. Ouais, je dirais. Quelques-uns. 5 maxi. 5, 6, ouais. Ouais, pas plus. Hein. Donc peut-être que demain, ils auront une démo, j'en sais rien, ou alors enfin, des trucs, ou alors on pourra les enregistrer. et oui, ce sera à la Griffe, 37 rue des Postes, à quelle heure ? Je sais plus, à 20h, je crois. 20h ou 20h30, je sais plus. Attends, je regarde. Oui, 20h, et puis c'est marqué 7 euros l'entrée. nous dit Iti Aloha, l'organisateur, l'actrice. Eh bien, allez, voici The Covids avec Certified Do It. C'est du punk. Et puis, ouais, demain, ça va être bien la griffe. Hein. Je pense que je vais y aller. Je continue avec un groupe, encore un groupe avec une chanteuse, décidément. Cette fois-ci, ce n'est pas un groupe qui va se produire dans le coin. C'est un groupe palestinien, mais ils ne sont pas de Gaza, ils sont de Ramallah, je crois, il me semble. Et c'est un truc que j'ai déterré qui date de 2016 ou un truc dans ce genre-là, quoi. Le groupe s'appelle Belax, ça veut dire au contraire. Alors en fait, c'est encore des contrariats, ils sont contre tout et pour rien. C'est un mélange de rock et de sonorité orientale. Et puis, bah, donc voilà, le titre, c'est une histoire de pression. La sensation de tremblement de terre intérieur qui te prend quand t'as trop de pression sur la gueule et que t'arrives pas à l'extérioriser. Tu vois ? Tu connais ça ? Eh ben, c'est ça, le tremblement de terre dont parle Bill Axe dans Zilzal. Tremblement de terre, donc. Bah, c'est le titre. Et puis, bah, je vous le passe maintenant. نفسي بهزة تعمل طاشة تغير هالحال نفسي بهزة C'est fini. Ah bah c'est fini, voilà. Alors oui, c'est pas les gens qui se prennent des bombes sur la gueule. À Gaza, c'est eux, par contre, bah, ils sont, font aussi face à une offensive de l'armée israélienne et des colons protégés par cette armée qui sont en train, en fait, bah, d'annexer. L'annexer tout doucement ce qu'il reste de la Palestine. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, vous êtes sur Radio Campus 106,6 et on est ensemble jusque 21h. Et maintenant, voici Célia. Moi, je vais vous parler d'un groupe que j'ai vu ce week-end. S'appelle Prix Libre. Prix Libre. Ouais. Ah bon. Ouais. Tu les as vus au CCL? Non, ah. C'était à Paris. Au Cirque des. Du coup, c'est un groupe de punk hardcore doom de Paris. Alors, quoi de mieux pour les décrire que trouver la petite description qu'il y a sur leur bandcamp. Donc, il y a écrit « Savant mélange de punk hardcore et de doom, Prix Libre nous embarque dans leur quête de la matière contre l'immatériel, portée par des grognements dépressifs et secousses épidermiques, reflux gastrique et désociabilisation en perspective. » Je me suis dit que je pouvais pas dire mieux. Ouais, ouais. Faut leur laisser la parole, de toute façon. C'est ça. Donc, c'est Wet Birdhead de Prix Libre, si je la retrouve. Oh, oui! Bah voilà, on parle et puis c'est déjà fini. Bah quoi, c'est pas très doom hein, quand même. Bah ce morceau là non, mais il y en a d'autres qui sont plus doom qu'on peut retrouver sur Bandcamp. Ouais, bah et alors c'est quoi, c'est le c'est prixlibre.bandcamp.com? Ah je sais plus. Bon, j'ai tapé, tu tapes Prix Libre Bandcamp, je pense que tu tombes sur le bon truc. Ouais, c'est quand même beau hein, les moteurs de recherche. Un jour ça ouais. Marchera plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est comme l'eau. Ouais. Toujours pas de doom. C'est plutôt du hardcore à la japonaise. Quoique ce groupe vient de Colombie, il s'agit de Unidad Ideológica. Il faudra monter jusqu'à Anvers pour les voir en compagnie d'un autre groupe colombien de Bogota, Alambrada. Comme ils sont en vadrouille dans nos contrées, ça peut peut-être valoir le coup de faire les 140 bornes jusqu'à Anvers. Moi je le fais pas, hein, parce qu'il faut rééconomiser les sarces. Et puis ça va se passer à Antwerp Music City. Vendredi ou samedi, je ne sais plus. Samedi. Voici Unidad Ideológica. C'est sorti sur la vidéo Esunmus. Comme d'habitude, vous allez me dire, c'est donc Vidas Controladas. We'll be right back. Ouais, Unidad Ideologica sur Pyongyang City Rockers, et ouais, numéro 341, nous sommes ici et vous êtes là-bas. Et peut-être irez-vous dimanche au bout de nos rêves pour assister au concert de Pemtikasta, groupe de grec de Thessalonique, donc dans l'est de la Grèce, là, pas trop loin de la Turquie, on va dire. C'est du street punk, ça barde bien. Pemtikasta, ça veut dire la cinquième caste, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens de très très bas de gamme. Et puis, donc ils font du street punk, comme je l'ai déjà dit. Et ouais, ils passeront avec les Anglais de The System. Je n'ai absolument rien à en dire, sauf que c'est complètement pétardant. Et voici avec une histoire de ligne, Grammes, Pemtikasta. Quatrième personne de non, la cinquième caste. Pemtikasta. J'ai pas coupé le blanc, comment, mais c'est vraiment dégueulasse. Au moins 2 secondes de blanc à la fin, quoi. C'est affreux. On est ensemble pour encore une petite 12 minutes. Je passe quelque chose ou toi? Non, c'est à moi. Allez, j'ai dit, vas-y, là. Moi, je vais passer une nouveauté. c'est sorti le 31 mai, donc c'est vraiment assez récent, c'est le groupe Bad Nerves. C'est un groupe de power punk garage anglais que j'ai déjà passé dans l'émission plusieurs fois. Du coup, ils viennent de sortir un tout nouvel album qui s'appelle Still Nervous. C'est chez Suburban Records. L'album, je trouve qu'il donne un peu autant la pêche que le premier. ça a l'air cool. Après, pas sûr qu'on ait la chance de les revoir dans le coin ou dans une petite salle parce qu'ils ont l'air de vachement grossir. Oh, ils font chier. Cet été, ils font plein de festivals et après, ils refont une tournée américaine. Ah ouais, et ça devient des professionnels aussi. C'est ça, je pense que. Ils vont se relocaliser à Hollywood. Peut-être. Ou à San Francisco, ou alors à New York. Mais bon, peut-être qu'on les reverra. Ils sont passés que l'année dernière. Donc. Ah, et puis peut-être qu'ils passeront splendides pour faire des petits concerts quand même. Bah ouais. Enfin bon, du coup, c'est Antidote de Bad Nerves. Ouais, c'est des professionnels. Il y a tous ces groupes punk qui se professionnalisent. C'est vraiment, il y a des choses, elles sont plus comme avant. C'était mieux avant. Et c'est donc ce que ne vont pas vous dire Photocopia, qui viennent de Barcelone. C'est de l'EBM. Hein, ah. Electronic Body Music. Ah. Et puis pour les voir, t'as le choix entre Amiens dimanche à l'accueil froid à Nuuk, excellente petite salle privée. Enfin, c'est une association, donc il faut prendre son adhésion. C'est 2 euros par an. Ça va. Ça va. Ouais. Puis sinon, ils seront à Lille lundi au CCL en compagnie de je ne sais plus qui, plein de gens. Si j'arrive à retrouver le flyer, je vous dis tout de suite avec qui ils seront lundi au Centre culturel libertaire. Eh bien non, il ne sera pas dit que je l'aurai trouvé. Bah c'est tout. Donc ça, de toute façon, rien que pour voir Photocopia, moi je dis ça vaut le coup d'aller au CCL lundi soir. Les voici avec Dysphoria. Ça va, Célia ? Bah ouais, ça va. Attends, tu voulais passer un truc, je suis sûr. Bah ouais, une toute nouveauté qui est sortie, genre il y a une heure et demie, un truc comme ça. Bon, on les a déjà vus plusieurs fois en concert, c'est les copains d'Air sur la Lys, c'est Pavure. Donc ils viennent de sortir leur démo qui est dispo sur un Bandcamp. Excellent. Et donc, je sais pas, allez... pas d'espoir, ça va bien avec ce qui se passe en aucun ce moment. Bon. Attends, je le lance bien. Si j'y arrive, bavure, pas d'espoir. Oh, envoie. Envoie, attends. Allez, bouge. C'est quoi qui va passer maintenant, hein? Je sais pas, c'est toi qui... Bah, la jungle. C'est toi qui l'annonce. Non, mais en fait, je t'ai dit, envoie-le, puis on parle dessus. Voilà. C'est bon. Bon, en même temps, il y aura une fin de... Vraiment, toi, t'es... J'ai pas le... J'arrive pas à faire le chronomètre... C'est quoi? Ouais, voilà, on baisse un peu le son, comme ça on l'entend en fond sonore, c'est magnifique. C'est parce que j'avais pas remis mon casque. C'est pire, ah ouais, ça, et voilà, erreur. Toujours mettre son casque. Il y en a, ils le font jamais. Hein. Nous, on met nos casques et puis on vous dit au revoir à la semaine prochaine. C'était Pyongyang City Rockers numéro 341 avec Célia, Jamie et Stéphane. La semaine prochaine, retour, je pense, de toute l'équipe en fanfare. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, on n'oublie pas. Oui, voilà. Allez, et puis on vous laisse avec la jungle. Et le titre, c'est, je sais plus. Zimbabwe. Zimbabwe, allez.